On va parler avec un gars qui de la région qui célèbre son 50e anniversaire de journaliste. C'est évidemment Régent Tremblay du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Salut Régent. Bonjour. Régent, 50 ans de carrière. Hey, au début, vraiment, là, quand tu es parti, tu étais au Progrès Dimanche à l'époque. Si je t'aurais dit 50 ans de carrière, tu m'aurais-tu cru? C'est faut pas oublier qu'à l'époque, quand j'ai commencé, que l'espérance de vie, c'était 65 ans. Hey monsieur, hey monsieur, hey monsieur. Ouais. Avant de Ouais. commencer, je sais que tu as suivi la Ligue junior régionale, l'Antenne du Progrès Dimanche. Rémi Bernier de Dolbeau, ça dit-tu quelque chose? Ben oui, le gros Rémi qui faisait peur au gars des sacs, un gros, il était cochon. Oui, il était cochon, effectivement. C'était-tu un gars Mais qui. Ouais. il était fin. Ouais. Mais les Saguenay, dans le temps, attends un petit peu, il faut que je me souvienne des noms. Il y avait, je pense, Camille Nepton. Ouais. Puis il y avait. On avait un gars qui s'appelait Néron, son nom de famille. Puis le gardien de but, c'était Gilles Moras. Puis le coach, je pense à M. Audet, le coach des Castors de Dolbeau. Ouais. Puis Rémi Bernier, c'était le gars le plus craint de l'équipe, ça c'est certain, ça. Et la ligue, c'était fort, la ligue, dans le temps. Hein? C'était vraiment très, très fort comme ligue, là. Bon, faut faire attention, là. C'était Ouais. pas l'équivalent de la Ligue junior majeure, là. OK. Mais c'était. Non, parce que quand les Sags ont affronté je pense que c'est les Canadiens juniors, je me souviens que Moras avait eu 72 ans, c'est. Les messieurs. Non, c'est la Ligue junior. La Ligue junior, c'était pas la Ligue junior majeure du Québec, parce que la Ligue junior Ouais. majeure du Québec, ça doit avoir. Quand C'est elle s'était fondée, c'est à à peu près. 51. Ils ont fêté le 50e l'année passée. Bon, mais ben, c'est à peu près en même temps. Donc, ça veut dire. Ça veut dire que c'était du junior B, les Castors, dans le temps. OK. Mais un gros junior B, par exemple. C'est équivalent aujourd'hui, au moins, le gros junior provincial. OK. Puis c'était fort, on veut dire. Puis il y avait du monde dans les estrades partout, partout, partout, là. C'était C'était. plein. C'était plein. C'était plein. Je me souviens, les Castors de Delbeau, Saguenay-Chicoutimi, les Aiglons d'Alma, les Ouais. Citadins d'Arvida, OK. le National de l'Abbaye, ou le National de Port-Alfred, ça dépendait. OK. Mais c'est drôle, il m'en manque un, je pense. Il y avait Les des Marquis de Jonquière. Marquis de Ouais. Jonquin, ouais, effectivement. Qu'est-ce qui t'a amené dans la métropole au départ? Parce que les trois, est-ce que vous êtes pas mal arrivés en même temps, Bertrand Raymond, toi, puis Yvon Non. Penneau, non? Bertrand puis Yvon sont arrivés, eux autres, au moins 4 ans avant moi. OK. Puis évidemment, c'était. Moi, eux autres sont allés là. Moi, quand j'ai commencé au Progrès Dimanche, Yvon Penneau puis Bertrand Raymond étaient déjà à Montréal. OK. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à Montréal au moins 6-7 ans avant moi. OK. Mais Puis. moi, je ne faut pas oublier que je n'étais pas au sport, moi. Non, parce que c'est une époque que je. Moi, j'ai commencé à te connaître avec Marc Simonneau quand je faisais des chroniques avec Marc Ouais. Simonneau à CHRC à 80. Ouais. À Québec dans les années 80. Ouais. Mais j'ai rentré à la presse, moi. J'ai rentré aux faits divers de nuit, le crime, OK. les incendies. Quand tu arrivais de Chicoutimi, puis tu Ouais. tombais à Montréal avec la MAF, les manifestations, les crimes, les vols. Mettons que j'ai été gâté, tu apprends vite à découvrir c'est quoi la vraie ville. Ben, C'est pas les cocktails à 5 heures. non, ça c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qui a changé le plus dans le monde des médias en 50 ans? Si tu comparais les époques d'aujourd'hui aux années 70 où il y avait le Montréal Matin, il y avait également le Journal de Montréal, la presse était là, il y avait trois, quatre journaux dans le temps. Qu'est-ce qui a changé de plus? Il y avait six quotidiens. C'est ce que tu dis, OK. Il y avait la Gazette, le Montréal Ouais, c'est Star, vrai, ouais. le Montréal Matin, le Journal de Montréal, la presse, le Devoir, puis même à un moment, il y a eu le Jour, Hey, le monsieur. quotidien que le Parti québécois avait lancé en 1975. OK. Par contre, ce qui a changé, évidemment, c'était l'omniprésence de la télévision qui, tranquillement, a grugé. L'espace, tu sais, c'était génial. On était cinq journalistes sur le beat, on suivait le Canadien. Les gars, on se faisait pas remplacer, on faisait toute l'année. Et on se connaissait, puis les joueurs nous connaissaient. Il y avait Penneau au Montréal Matin, Ouais. Bertrand Raymond au Journal de Montréal, moi j'étais à la presse. Il y avait Al Strachan qui était à la Gazette, puis Red Fisher, qui était au Star. OK. D'ailleurs, on était cinq, il y en a quatre qui sont au Temple de la renommée du hockey. Ouais. Ça veut dire quelque chose, hein? Ben oui, c'est Puis, sûr. Mais on voyageait avec les équipes. On était avec les joueurs, les mêmes autobus, les mêmes taxis, les mêmes restaurants. On s'habillait d'ailleurs, c'était un règlement. Il fallait avoir le complet et la cravate, comme les joueurs. Ouais, c'est ça. La proximité des joueurs aussi était ouais. Mais en même temps, il s'était développé au fil des années. Les gars comprenaient qu'on pouvait les aimer personnellement, mais le business, c'est le business. Puis quand on trouvait qu'un gars jouait comme un taouin, il se faisait ramasser. Mm. Mais c'était un autre univers. On les connaissait, on est resté proche. Moi, Serge Savard, c'est un ami. Mm. Guy Lapointe, Pointu, Lafleur, et ce qui a été extraordinaire dans mon cas à moi, puis c'est vrai pour Bertrand Raymond puis pour Pedneau aussi, quand on a eu 45 ans, 50, parce que, je veux dire, dans notre carrière, on a monté dans l'échelle, là, des columnistes, etc. Mais les gars qu'on avait couverts comme joueurs, ouais. Bobby Clark est devenu directeur général des Flyers, puis Rosso Minnesota, Esposito, Shanahan. Les gars qu'on avait connus comme joueurs sont devenus Doug Ricebrough au Minnesota. Ouais. Ils sont devenus directeurs généraux. Ils sont devenus grand boss, ils sont devenus coach. Fait que les contacts sont restés les mêmes. Quand t'as passé 10 ans dans un autobus puis dans un avion, puis que avec eux autres, puis quand ils devenaient directeurs généraux, ben qu'ils devenaient coach ou chiefs dépisteur en chef. On a gardé des contacts. Moi, aujourd'hui, là, quand Scotty Bowman est venu à Montréal, on s'est retrouvés comme deux vieux amis. Ouais, c'est incroyable. Ça fait 50 ans que je le connais. Ouais. Est-ce que dans le temps, c'est sûr, Réjean, des fois, t'es critique envers la façon que les médias et les attachés de presse peut-être du Canadien contrôlent l'information. Est-ce que dans le temps, là, est-ce qu'il y avait des attachés de presse aussi omniprésents? Ben, il y avait, quand je suis arrivé, M. Claude Mouton qui était là. Et monsieur, OK. Faisait tout donc, un peu. Il était annonceur et tout ça. Mais, je veux dire, on ne s'occupait pas de ça, nous. Si tu voulais parler à Serge Savard, ou si tu voulais parler à Sam Pollock en soirée, t'appelais Sam. Oui. T'appelais chez eux. Moi, j'avais les numéros de téléphone de tous les joueurs du Canadien, puis il n'y avait même pas de cellulaire dans le temps. Mm. On avait les téléphones à la maison, puis on avait les téléphones de base. Quand j'ai couvert la série Flyers contre Buffalo, ma première finale, c'était Flyers contre les Sabres de Buffalo. Quand je suis revenu à la maison, j'avais les numéros de Don Arford, de Barber, ouais. Schultz, de Gilbert Perrault, mais... Ce que je veux dire, on se préoccupait pas de ça, mais pas tout. Ouais. Ça faisait une information extraordinairement. Tu sais, quand Dave Schultz, des Flyers, a été le matador, le fier à bras, a été échangé au Kings de Los Angeles. Quand je l'ai appris, il était 3h l'après-midi, je l'ai appelé à la maison. Il y avait justement une fête pour son plus vieux. Il est sorti sur la galerie. Puis, Il m'a répondu à mes questions, il m'a raconté comment c'est ça qu'il faisait. Puis dans la presse de Montréal, j'avais Schultz qui parlait de ses années avec les Flyers. Ça avait pris à peu près 15 minutes, là. Mm-hmm. Mais on connaissait tout le monde. Quand j'ai fait la Formule 1, Schumacher, puis Barrichello, puis Jacques Villeneuve, c'est la même affaire. Mm-hmm. Dis-moi, ton meilleur souvenir... Ce que vous avez comme information, là... Ouais. J'espère que vous réalisez que c'est abominable. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah, OK, c'est parfait. Ouais. C'est tout contrôlé par le Canadien. Tout passe bleaché, lavé, ciré, essoré, puis après ça vous est livré, formaté. C'est la même affaire. Ton meilleur souvenir en 50 ans? Les Olympiques de Moscou, c'est gros. Oui. Même s'il y avait le bloc de l'Est qui était le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire qui était pas là en 80? À cause de ça que c'était formidable. OK. Y a-tu quoi de mieux que de couvrir les Olympiques quand t'es pas poigné avec les athlètes? Ouais. Tu sais, à Moscou, puis d'aller voir comment est-ce que le monde vivait, puis comment ça marchait, puis y avait-tu une discothèque, puis y avait-tu des magasins, comment est-ce que le monde s'habillait, comment est-ce que le monde mangeait. C'était fabuleux. C'est le plus grand bar ouvert, puis buffet complet que j'ai connu journalistique dans ma carrière. OK. Après ça, j'ai eu des. Tu sais, aller trouver Mohamed Ali à son camp, à son chalet, à son camp d'entraînement à Deer Lake, en Pennsylvanie. Aller avec lui à Radisson, à Bay James, dans un vol nodisé par Hydro-Québec. Il est venu à Rouyn-Noranda, Mohamed Ali, d'ailleurs. Oui, Oui, hein? ben, ce voyage-là, OK. moi, j'étais parti, j'étais rentré de la Bay James à Montréal. Ouais. Et quand on a atterri pour le débarquer à Rouyn-Noranda, Roland Mayotte s'est cassé et resté Ouais. là. C'est pour ça que moi, j'ai fui à Montréal. Les années des Nordiques, c'était incroyable. Les années des Nordiques, c'était fourette. Rappelle-toi quand Jacques Demers était allé se recueillir à Saint-Anne-de-Beaupré dans la Ouais. série de 1993. Même Ouais. pas capable d'aller prier sans que Marc Simoneau reçoive des appels. C'est Simoneau, Jacques Demers, en train de prier à l'oratoire Mais il y avait une à rivalité. Basilique. Il y avait une Ah! rivalité entre Montréal et Québec aussi d'un journaliste. Oui, Pierre Trudel a failli se battre avec Michel Villeneuve, si tu sais, c'est lui, oui, c'est ça? oui. Oui, c'est ça. OK. Et Alors, c'est. avec Chantelouis, je pense que j'aurais. Non, c'est Michel Villeneuve contre Trudel, oui. Les deux étaient CJRP, c'est ça? Ouais, c'est C'était ça, Radio Mutuelle, oui. exactement. Donc, c'est la... Hey, Mario Tremblay, en terminant, Oui. t'as été souvent pointé du doigt que les journalistes qui avaient fait en sorte qu'il avait démissionné de son poste avec les Canadiens. Toi, c'est que t'en penses de ça? Vous étiez à l'époque un peu critique à Mario, Régent, Yvon Penneau, puis Bertrand Raymond, hein? Ben, il n'a pas été mauvais coach, Mario. Non, hein? C'est sûr, Non, l'histoire de Patrick Roy, ça l'a suivi pas mal. D'après toi, c'est assez intelligent de laisser Non. Patrick Roy de 9 buts. Non, c'est sûr. Mais Mais la vraie question, c'est pourquoi il a fait ça? ben, c'était une question de. Il y avait deux coqs dans la basse-cour, puis il voulait le casser. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était Ronald Coré qui était le problème et qui avait été critiqué là-dessus. C'était lui qui avait l'expérience. C'est lui qui organisait de belles pièces de théâtre. Es-tu d'accord avec moi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Puis Ronald Coré, c'est lui qui voulait que Casso s'en aille. Et je m'en parlais en fin de semaine dans le journal, ça. OK. Non, Mario est encore fâché, il est rancunier. Mais personnellement, j'ai rien à voir. À un moment donné, il voulait jouer les coqs dans les coachs, dans le Ouais. vestiaire. Honnêtement, je l'ai envoyé chier ben raide. Hey, as-tu l'intention d'écrire une biographie en terminant? Non. Non? OK, il Non, aurait de quoi non, dire non. pareil. Puis as-tu l'intention de faire ça longtemps, encore? Est-ce que la santé permet ou... Ben, moi, je pense que les 5 prochaines années vont être absolument extraordinaires. OK. Parce que ça va être la première fois de l'histoire moderne que le partisan et le consommateur vont avoir le gros bout du bâton. Moi, je te dis, attache ta tuque. Penses-tu que le Canadien va mettre 21 000 personnes au mois de septembre? Non. Puis c'est toi qui penses que les Nordiques vont revenir. Puis c'est logique. Ben, je sais pas ça. Je dis que c'est drôle à dire, ça a créé un climat économique qui risque de permettre d'espérer pour les Nordiques. Régent, Mais je dis, c'est pas félicitations. plus que ça. Ben, merci. Félicitations, 50 ans de carrière, c'est pas rien, là. C'est vraiment extraordinaire. Puis on continue à te lire à t'écouter au 91.9. Ben, moi, je trouve que 55, c'est un beau chiffre. On va voir ce 55. que ça va donner. Bon, OK. Ben, merci beaucoup, Régent. Régent Merci. Tremblay, qui fête son 50 ans de carrière de journaliste.